toute la famille, c'est précieux comme le saphir. Dis-toi que tous les rats se jettent à l'eau quand le bateau chavire. Là je l'ai en travers, je n'ai pas l'avenir. Mais quand t'es en haut, tous ces gratte-puzzles, tu les vois venir. Je sais que ça veut me nuire, mais t'inquiète, je perds pas le nord. Camouflé dans le North Face, parce que peut-être ça veut ma mort. T'es jaloux, je trouve ça fou, mais toi ma place, vois ce que ça fait. J'ai voulu me la faire tordue, mais t'inquiète, je le savais. Au sommet, je savoure, rapper, y'a que ça à faire. Dès qu'il y a une ligne droite, je lève la moto, je suis en train de niquer la fourche. Ça me souhaite que je coule, ça a déjà creusé mon trou. J'en déduis que ta femme nous aime bien, si tu parles mal de mon crew. Trop déçu, trop déçu. C'est tourne dos, il me crache des mots larmes, ça leur retombe toujours dessus. Me faudra plus qu'un pansement pour soigner mes blessures. C'est grâce au fils d'eux, c'est quand je rappe, j'ai toujours du plaisir. Donne la force aux gens, après ils croient qu'ils peuvent te tester. Ils te font du visite cuisine, à Philippe et tu best. Jules, best, best. Ça fait 10 ans que je baisse. Tous les pertes d'amis me pèsent. Lourd, mais au final, c'est que détresse. C'est la guerre dans le 13. Que tu m'en fais dans la presse. Plus de confiance aux gens, ils laissent leurs femmes pour mettre bien leur maîtresse. Ils vont souvent là où il y a le plus de sous. Pour un petit billet, ils donneraient l'adresse. En danger parce que je brasse. Fils de pute, je vous embrasse. Voiture blindée comme ça, ce sera pas mon cœur, mais la vie que tu brises. Ma vision, elle est grise. Des moments de joie et des crises. Ils veulent se brancher avec moi, mais moi je suis anti-multiprise. Deux, trois coups de mou dans l'équipe, ils s'évaporisent. Dans le banc comme le mauvais, nous, on se re-sponsorise. Ils mettent des coups de pied dans la tête quand tu t'accroches, quand bas y'a le vide. Quand tu reprends du poids de la bête, ils disent I'm sorry. Les traîtres et les vicieux, loin de moi. Sache qu'ils auront plus rien, rien de moi. Et les opportunistes, loin de moi. Loin de moi, loin de moi. Tu vois pas que pour moi rapper c'est facile. Je suis bon qu'à faire du bien et donner des classiques. Les gars restez loin de moi, loin de moi. Dans ma tête c'est un peu bizarre ces temps-ci. Quand tu es dans la tempête, y'en a qui profitent du vent pour allumer le feu. Sauf qu'il faut savoir l'éteindre, ils font tout pour que je coule. Certains médias aiment, quand tu leur donnes pas ce que tu veux, c'est les premiers qui attisent la haine. Ils niquent les gens qui ont profité de moi, alors qu'il est grâce à moi, ils ont une vie, un chômage et même un toit. Et qui se mettent un toit, mon sang, ça me lève un poids. J'ai fait que ça pour faire du bien, mais sache qu'y'a pas besoin de toi. Mon CDB, pas CP, je les ai mis en lumière ces gens. Mais bon, apparemment, pour eux c'était peu. Et depuis que je les calcule plus, pour eux c'est pire. Ils pensent à moi à la maison et même au sport quand ils s'étirent. On pourra pas refaire le monde, gros, il est ce qu'il est. Problème, prison dorée, ça c'est ma destinée. Et ça fait que s'empirer, mais je tiens trop aux gens que j'aime. Pour ça qu'impossible, je les laisse tirer. Et nique les tiros, j'en ai vu des vertes et des pas mûrs. Mais sache qu'à l'OPJ, moi, rien je dirais. Cœur serré quand je vois les gyros. Et là je me rappelle que j'ai rien à me reprocher, donc rien à cirer. Qui dit que j'ai plus rien à dire, qui dit que je me répète, qui ose parler de moi, me salir, moi et ma répute. Toujours les mêmes, ceux qui en peuvent plus de me voir premier. Mais la team Joule elle vous baisse, faut bien que vous compreniez. Ça veut ma chute, mais j'ai le parachute. Chute, certains rêvent du paradis, mais pour certains c'est prison parachute. Parachute, oh shit, je kick de loin, je prie des kicks et des claques. Toi tu es qu'un traître, alors tu te prendras des clics et des claques. Prendras des clics et des claques. Toi tu es qu'un traître, alors tu te prendras des clics et des claques. Des clics et des claques. Les traîtres et les vicieux, loin de moi. Sache qu'ils n'auront plus rien, rien de moi. Et les opportunistes, loin de moi. Loin de moi, loin de moi. Tu vois pas que pour moi rapper c'est facile. Je suis bon qu'à faire du bien et donner des classiques. Les gars restez loin de moi, loin de moi. Dans ma tête c'est un peu bizarre ces temps-ci. Les traîtres et les vicieux, loin de moi. Sache qu'ils n'auront plus rien, rien de moi. Et les opportunistes, loin de moi. Loin de moi, loin de moi. Tu vois pas que pour moi rapper c'est facile. Je suis bon qu'à faire du bien et donner des classiques. Les gars restez loin de moi, loin de moi. Dans ma tête c'est un peu bizarre ces temps-ci.